J'ai vu de la lumière à la fenêtre, parfois c'est chaud, c'est bon, c'est dense. Ce qui se passe au départ dans la tête provoque un univers de conséquences. Le but c'est qu'on change tout, c'est qu'on s'étende. Je déteste leur système. Vois-tu ces gosses qui toussent amassés dans des tentes. La rage est coincée dans nos dents, combler sa fin des temps. Je prône le partage, parle pas de rap quand je parle de fin des temps. L'humain a mis du vice dans chacun de ses sens. Adulte c'est quoi, c'est quand t'es grand. Moi je reste enfant, en recherche de quintessence. Faut qu'on s'élève, qu'on oublie les normes qui nous comparent, les lois qui nous condamnent. Les vrais se révèlent, faut qu'on s'éveille avant qu'on parte, faut qu'on se réveille. Pour qu'on brille à chaque seconde, ramasse tes peines. Les âmes s'éteignent autant que les masques tombent. C'est l'heure de la transparence, dès lors les glaciers fondent. Ta lutte des classes s'effondre. J'ai brûlé la forme, j'ai un déclassé le fond. J'ai des distextes à tout ce que je guette dans les détails. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est vrai que le monde est dense. Il suffit de donner pour recevoir la connaissance. Combien sont sans défense, mais combien sont pleins d'essence. Le soleil est mon essence, la lumière ma quintessence. La lumière ma quintessence. C'est vrai que le monde est dense. Il suffit de donner pour recevoir la connaissance. Combien sont sans défense, mais combien sont pleins d'essence. Le soleil est mon essence, la lumière ma quintessence. Le soleil vient de passer sous la lune. Quand j'écris ça, j'en tremble encore. De larmes chaudes, grand c'est la lune. Depuis que le message chante dans mon corps, pareil que je suis connecté. Une porte qui renferme des bagages, qui se libère de sa cage. Tout ce qui est collecté se transfère et se partage. Je sème, je récolte, je donne, je reçois. Et je pourrais faire ça à l'infini, du matin jusqu'au soir. La nuit c'est personnel. Quand elle brille, son but est clair. Elle répare ce qui perce mon aile. Donc je me recharge quand la lune m'éclaire. Pareil que je parais fou. J'essaye d'éveiller sans parler flou. De faire en sorte que le mal ne puisse s'emparer de vous. Si tu me comprends pas, c'est que c'est la part à ton âme. Mais dans le fond c'est pas grave puisque je parle à ton âme. T'es comme le roseau, jamais tu casses quand on te tord. Je me fous que le me nomme, je suis juste le messager du nombre d'or moi. J'ai des distextes à tout ce que je guette dans les détails. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est vrai que le monde est dense. Il suffit de donner pour recevoir la connaissance. Combien sont sans défense, mais combien sont pleins d'essence. Le soleil est mon essence, la lumière ma quintessence. La lumière ma quintessence. C'est vrai que le monde est dense. Il suffit de donner pour recevoir la connaissance. Combien sont sans défense, mais combien sont pleins d'essence. Le soleil est mon essence, la lumière ma quintessence. La lumière ma quintessence. La lumière ma quintessence. La lumière ma quintessence. Tout soudain positif pour que les choses avancent. Face aux minces pensées, nos cœurs sont vastes.